Il rêvait dans ma baignoire de sa vieille fosse aquatique. Mon copain le calamar, ce vieux pote alcoolique, sur les vagues du cafard nageait mon triste acolyte, qui ne cessait pas de boire la tasse de sa belle cuite. Quand je le laisse dans le noir, il entonne des cantiques, mais il sait que je ne peux pas croire à ses paroles bibliques. Moi qui suis un pêcheur, mais seulement de sardines, je porte en attendant l'heure mon tricot bleu marine. Mon céphalopode ira m'enterrer dans ma tombe, puis il se signera de ses tentacules en ombre. Toi que l'on dit géant, tricote-moi un pull, un couleur océan, l'autre couleur de lune. C'est bien sûr en chavirant que j'ai croisé ta bouille, et qu'alors me sauvant, tu m'as sorti de la tambouille. Et le soleil aveuglant t'a fait tourner la tête, tu voulais vivre dedans, t'y goinfrais de crevettes. Moi qui suis un pêcheur, mais seulement de sardines, tu as cette place dans mon cœur, une grande place, j'imagine. Quand tu m'enterreras tout au fond de ma tombe, prie un petit peu pour moi, ton capitaine qui sombre. On a vécu comme des fous, toi et moi dans le même train, se saoulant comme des voyous sur les eaux troubles du pétrin. Car ici tu sais, sur terre, comme dans les fonds marins, tout reste un grand mystère, aucun but et pas de destin. Il n'y a pas de réponse à tout, mais tu voulais savoir pourquoi nous n'étions des rien du tout, chagrinés par notre foi. Moi qui suis un pêcheur, mais seulement de sardines, je pêche du poids de mes erreurs, d'avoir abusé de la chopine. La fin approche pour moi, je sens m'appeler la tombe. Mon petit cercueil en bois n'attend plus que je succombe. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Alors laisse ta robe noire, celle d'ecclésiastique, retourne dans ta baignoire, celle au tréfonds fantastique. Au fond tu pourras voir des merveilles jusqu'au tropique, mon copain le calamar, mon vieux frère exotique. Tu passeras, fleuriras un petit peu ma tombe, de fleurs que l'on trouve chez toi, là où il fait si sombre. Toi copain calamar, ton vieux pote sirotique, espère un jour te revoir en haut des cieux magiques. Toi copain calamar, ton vieux pote sirotique, espère un jour te revoir en haut des cieux magiques. En haut des cieux magiques, en haut des cieux magiques.